Salut tout le monde! Bienvenue... Ah non, je recommence. Excuse-moi, je pensais aux Canadiens. Pauvres Canadiens qui croupissent, en tout cas. Et salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic Summer. Mon nom est Guillaume. Ah mon Dieu! Je te jure, Renaud. Ah mon Dieu, que ça ne tente pas. Je suis plus capable de faire des intros. Il est 10h, les Canadiens perdent. Bienvenue au 15e épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume et notre co-animateur, c'est encore Renaud Giraldo. Salut Renaud, comment ça va? Moi, ça va pas. Je vais pleurer. Asti, je vais pleurer. Ah, j'y croyais tellement. Je nous voyais déjà au Centre Bell, puis tout. Mais bon, je vais pas m'attarder aux Canadiens parce que je sais pas si tous nos auditeurs aiment le hockey, mais moi, personnellement, ah, je suis pas fini. Il reste 9 minutes. Il reste 9 minutes. C'est juste 3-0, come on. C'est vrai. C'était 3-0 okay, dans la série, ils reviennent, 3-2, 3-3, ils égalisent, overtime, 4-3, on gagne à Montréal, 4-3, boum, boum, ce serait... Ouais, j'y croyais à ce scénario-là avant le début du match, mais là, maintenant, ça y est, j'ai fait mon deuil. La prochaine fois, je serai capable de faire une intro, mais là, je sais que je serai pas capable. Non, là, je vis dans le déni, tu comprends pas, là, c'est une étape de... Je vais te ramener dans le réel, Renaud. Dans le réel, d'ailleurs, une partie de l'épisode d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui on va faire un épisode qui va être quand même court, parce que justement, on est un peu tard pour le faire, puis aussi, la semaine prochaine, pour notre prochain épisode, on a quelque chose de bien spécial de concocter pour nos auditeurs, donc cette semaine, on va y aller avec un petit short and sweet, comme ils disent en chinois, puis on va faire un épisode un peu retour, parce que t'es allé au Grand Prix de Toronto, fait qu'on va faire un retour sur ça. Ouais, j'ai fait jour 2. Qu'est-ce que t'as fait jour 2? Ça te prouve-tu à quel point que... Ah oui, oui, c'est ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ça prouve-tu à quel point je vis dans le déni en ce moment? Ouais, c'est ça. J'étais pas tout à fait. J'ai gagné le Grand Prix Toronto. Ouais, mais bref, on va y revenir un petit peu. Mais pas trop, parce que ça se peut qu'on y retouche la semaine prochaine. Et ensuite, j'aimerais ça, moi, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. Je regardais un peu la couverture médiatique de Magic en fin de semaine. Il y avait Grand Prix Atlantic City. C'était, il y avait Grand Prix Paris aussi, mais aux États-Unis, c'était un Grand Prix limité. Et en finale, il y avait Alexander Rain, un gars de Montréal, et il avait notamment gagné, il n'y a pas si longtemps, le Grand Prix Krakow. Et combiné à ça, au Brésil, à Sao Paulo, c'était Paulo Vitor da Modarosa qui a gagné le Grand Prix. Donc, c'est des noms connus qui reviennent un peu au haut de la pyramide Magic. Puis je me suis dit... on sait tous, bon, Magic, c'est un jeu qui il y a un pourcentage de variantes. C'est sûr, c'est pas un jeu dont on contrôle tous les variables. Il y a un pourcentage de chance, il y a un pourcentage d'inconnu, mais il y a aussi un pourcentage carrément d'habileté des joueurs. C'est sûr que ça fait partie de l'équation. Puis je me suis un peu demandé, qu'est-ce que ces gars-là peuvent avoir de plus? Je dis gars, même si bon, les filles sont rares. Il y a quand même Milissa de Tora qui a fait le Grand Prix, le top 8 d'un Pro Tour, pardon. Oui, Gabby Sparks aussi a surveillé. On peut revenir une autre fois. Oui, excellent, mais dis ça. Donc, il y a quand même des filles qui font très bien aussi à Magic. Mais ces joueurs-là, donc, joueurs et joueuses, qui réussissent à performer un peu de semaine en semaine, et que leurs noms reviennent souvent, et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que d'un point de vue de préparation ou qu'est-ce qui fait d'un point de vue technique qu'un joueur va réussir à aller chercher de certains points de pourcentage? Parce que tantôt, un peu hors d'onde, on parlait de l'épisode et tu m'as parlé un peu que finalement, ce qui sépare un joueur, par exemple, comme toi, dans un Grand Prix, qui va quand même avoir des bonnes statistiques, mais qui réussira pas à aller jour 2 à se rendre dans les top 8, et un joueur qui, en plus de se rendre jour 2, fait top 8, peut-être même peut gagner l'événement, le pourcentage est parfois pas si... La différence est parfois pas si grande. Puis je pense que le but de l'épisode serait peut-être un peu d'aller voir qu'est-ce qui peut justement amener un joueur à un autre niveau, qu'est-ce qui peut amener un joueur à se démarquer sur la scène de Magic. Donc, ça serait un peu le but de l'épisode. Mais avant de se lancer là-dedans, deux choses. La première, j'avais dit que je parlais un peu de bière. Je vais le faire rapidement. Je bois une saison du tracteur. Je sais pas si tu as déjà vu ça, Renaud. La saison du tracteur, c'est la microbrasserie Le Trou du Diable. Ils sont à Shawinigan. Oui. Ils font des super bonnes bières. Ça, c'est une bière très sèche. Là. C'est une bière d'été aussi. Ils sont pas mal sur la carte internationale en ce moment. Les gens, ça se déplace à Shawinigan de partout dans le monde. Ouais. Ça arrive de la Chine puis de Singapour pour aller là. Ouais, ça, c'est une super c'est bonne un peu micro. Fou. Ouais, ils font, je te dirais que leur produit courant, là, ce qui est le plus distribué, moi, la saison du tracteur, c'est ma favorite. Puis sinon, bien, ils font des produits spéciaux. Là. Il y a la Dulcis Succubus ou il y a d'autres produits, la Lecoq, l'Ours, qui sont des produits plus rares, mais qui sont. C'est bien intéressant. Fait que bref, si jamais vous tombez sur la saison du tracteur, moi en tout cas, je vous la conseille. Très bonne bière. Maintenant aussi, avant de toucher à notre sujet principal, Renaud, c'est ça, je voulais revenir sur ton voyage à Toronto, parce que j'avais vu passer un peu sur les réseaux sociaux là, que quand même, ça avait bien commencé ta séquence là-bas. Que, décris-nous un peu là, qu'est-ce qui s'est passé. J'avais deux bails, pour ça j'ai perdu ma première ronde contre Jeskai Tokens. Ok, hey, attends un peu. On va faire pause. Tu avais deux bails, ouais. Tu dis ça mais de manière casuelle, comme si de rien n'était, mais quand même. Et si on parlait à nos auditeurs, parce qu'il y a clairement une partie de notre auditoire dont je suis, qui n'est pas exactement sûr comment on fait pour aller chercher des bails pour des événements, comment on fait pour que, quand on arrive à notre prochain Grand Prix, il y ait déjà des rondes de gagner pour nous. Toi, comment tu es allé chercher tes bails? Puis sinon, comment on fait pour aller chercher des bails? Ouais, ben, l'année dernière, en jouant dans des Grands Prix, PTQ, parce que c'était encore des PTQ à cette époque-là, les okay. FNM, tout ça, j'ai mm-hmm. accumulé des points de Planeswalker. Okay. Des points d'arpenteur. Puis, si t'as 1500 points... 1300 points. OK. T'as un bail. Puis si t'as 2250 points, là, t'as deux bails. OK. Puis les façons de ramasser les Planeswalker. Puis à partir du moment où tu as les points dans l'année, pour le restant de l'année, t'as tes bails. Okay. Pour l'année prochaine aussi, là, t'as okay. tes bails. Ah ben c'est bien ça. Fait que dans le fond, ça encourage les joueurs. Si, ouais, c'est ça. Puis si vous avez pas les points, si vous gagnez un Grand Prix Trial, ben là, vous pouvez avoir des bails comme ça aussi. OK. Mais la façon, mettons, d'aller chercher des points la plus commune, ça va être de faire ses FNM. En jouant comme ça. Moi, j'ai rien fait de particulier. Là. J'ai fait deux ou trois Grands Prix l'année passée. Puis une dizaine de PTQ peut-être, là. Okay. J'ai eu mon 2250 points. Là. J'ai fini l'année avec 2400 points, là, puis j'ai rien fait d'extraordinaire. Là. OK. Dans le fond, si on s'investit un peu, qu'on va à nos FNM, on fait des prix PTQ, puis on va dans 2-3 grands prix, on peut réussir à aller chercher des bails pour le. Tout à fait. Là. Ah. Mm-hmm. Bon, à savoir. Au moins un, là. OK. Puis là, un facile, deux, faut y aller un petit peu plus, là. Mais... Un peu plus souvent. Puis d'ailleurs, je te voyais dire, il y a des incitatifs aussi pour aller faire plein des FNM au mois d'août parce qu'il y a une belle carte promotionnelle. Ouais, ça c'est belle, sur Vision. Hein? Ouais, sur Vision, mais l'œuvre d'art dessus est écœurante, c'est vraiment super. Ouais, beau. Mais le fait que là, tu débarques à Toronto, tu as deux bails. Deux bails. Je perds ma première ronde contre Jeskai Token. Je jouais Super Dragon, puis dans notre sideboard, okay. on a décidé de mettre trois Drangleic Soro à cause de Mono Red. Ok, ouais. Parce que ben c'est clairement le premier matchup de Super Dragon. Ouais, ouais. Puis Virulent Plague, c'est correct, là, mais c'est pas aussi bon que Drangleic Soro contre Mono Red. Ouais, évidemment, c'est vraiment meilleur contre Jeskai Tokens, qui joue des Secure the Waste puis des Raise the Alarm. Il joue ses cartes en instant, fait que Drangleic Soro en Sorcery, c'est pas assez rapide. Ouais. Souvent, ils vont jouer Raise the Alarm, fin de tour, avec Jeskai Ascendancy, c'est des 4-4 ou des 5-5, là. Ça peut finir ouais, c'est fatiguant. Une partie là, ouais, c'est ça. Ouais. Ça rend la chose désagréable, mais comme j'ai mis 3 drones d'une soro, puis pas 2 drones, un Virulent Plague, j'ai perdu le match là, en 3 games. C'était serré, mais t'sais, quand j'ai fait Dig Through Time, puis que j'ai pogné, il y avait 2 drones d'une soro dans mon Dig Through Time. Ouais. Si un de ces deux drones là avait été un Virulent Plague, j'aurais gagné le match. Ok. Fait que des fois, il y a des choses comme ça. Ouais, c'est clair. C'est la partie de la variante, là, le pourcentage qu'on contrôle pas. Là. Ben non, mais ça, on parlait avec Phil la veille, puis j'étais là, Jeskai Token, c'est une chose, puis on s'est dit que. Tu sais, on a fait un choix là. Mm-hmm. Ok, quand même. Bon, puis c'est ce choix là qui m'a coûté ce match là. Ouais, puis finalement, tu sais, Jeskai Token, il est un peu tombé en bas des tiers 1 presque. Là. Ouais, c'est ça. Ça a été un peu de la malchance de tomber sur ce match-up-là parce que. Il y avait beaucoup de mono rouge. Puis il y a les autres gars de Sherbrooke. Mm-hmm. On se retrouvait, tu sais. Puis les autres, ils jouaient beaucoup contre mono rouge. Puis j'ai joué une fois contre mono rouge plus tard. Ok. Mais si ce match-up-là avait été un mono rouge, j'aurais été content d'avoir mis 3 drones et ça. Ouais, c'est ça. Il y a des choix des fois que tu fais comme ça. C'est des subtilités. Puis faire vraiment les bons choix, ça prend peut-être plus d'expérience, je sais pas. Ou plus d'anticipation de la métagame, plus d'informations, je sais pas. ou de, t'sais, d'accepter ses choix puis de vivre avec, là. Moi, Ben ouais. quand je suis sorti de là, j'ai dit, ben, regarde, moi, je sais que c'est moi qui ai pris la décision d'enlever le Rotten Flag. On en avait parlé dans les sideboards, là, la semaine passée. Bon, ben là, ça s'en est une, là, t'sais. Un genre de choix, on dit, bah, ben, c'est ça. Je l'ai pris, puis ben, exactement, j'ai pris j'y ce choix-là, allais. puis il faut que j'assume ma défaite. Après ça, j'ai gagné mes trois autres matchs. J'étais OK. 5-1. Ah, bien. Solide. Ça allait bien à ce moment-là. Puis là, j'ai perdu contre Mono Rouge. Ah, ouais, OK. Ça a été un petit peu rough. J'ai gagné mon autre match. C'était un de mes rares matchs round 8. J'ai gagné facilement. Là, le gars, il savait pas comment jouer, Mirror. Mes respects à lui, là, mais Oh c'est ouais, ça arrive. il tapait beaucoup trop de mana à des moments inopportuns, puis il tombait dans mes cases de spell, tu sais. Oh ouais, c'est correct ça. Il a fait son meilleur, mais son meilleur n'était pas encore rendu. Puis c'est justement pour ça que on va parler de l'épisode là, t'sais, d'aujourd'hui. C'est justement, je pense qu'il y a différentes étapes à être bon à Magic. Puis peut-être que les dernières étapes, les derniers petits pourcentages sont plus durs à aller chercher. Mais il y a certaines affaires qu'on peut faire assez tôt dans sa carrière de Magic pour aller, dans le fond, vraiment comme prendre un bon, en anglais ils disent un edge, mais aller chercher un avantage, aller chercher la qualité dans son jeu, dans le fond. T'sais. Comme là, tu dis, ouais. Pas tomber dans les counter spells, c'est un peu une base, là, mais c'est Après ça ça, pareil. T'sais. mon dernier round, je gagne la première partie facilement. Fait que là, t'étais quoi, Puis 6-2? là, je jouais contre Red Green Dragon, genre. OK. Mais il jouait un peu plus. Tu sais, il jouait des Deathmiss Raptor, puis des Heir of the Wild. OK. J'étais pas trop stressé, tu sais. Puis là, je me suis dit, ce deck-là, ça aide. Sideboard des Planeswalkers, tu sais, Xenagos de Reveler, puis Nissa. Puis si je fais rien contre ça, ben, je vais me faire troncer, tu sais. Fait que je sideboard des Duress, des Negate, puis. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est sideboarder des Boon Satyr, puis plus de bonhommes, tu sais. Ok. Plus de 2 drop, Aïe, puis des aïe, Goblins Rabble Master, puis là, mon Dieu Seigneur. Là, je suis là ok. avec mes Tatis, puis mes Whoops. Duress, puis mes Negate à pas comprendre ce qui se passe. Fait que là, je me réajuste pour Game 3, mais Game 3, ben. J'ai Tatis. Un Storm Bred Dragon, j'ai pété un Boon Satyr, je pète tous ces bonhommes avec mon Crux of Fate. Puis là, il a top decké 2 Storm Bred de fil. Ah, ok. Puis je suis mort. Fait que ça a été Oui, très c'est ça que ça décevant. fait, Stormbreath. Hein? Je suis Ok, ouais, parti, c'est puis décevant. j'étais vraiment très déçu, là, parce que Ah, ouais, c'est sûr. c'était pas un mauvais match-up. Puis j'ai sideboardé comme j'aurais sideboardé contre Philippe qui joue ce deck-là, mettons. Ouais. Mais ce gars-là avait un autre plan, puis ben, je suis rentré dedans. Fait que c'est pas bien passé. Hey, c'est 3-1, Montréal. C'est Yay! 3-1, Montréal. Pacioretty vient de Ils mettent compter. Il un reste bon 3 sur notre minutes à play. faire, là. Ah, c'est pas impossible! Regarde. Garde un œil sur ça, Il y on a sait toujours de jamais. l'espoir. Peut-être que je vais devenir complètement fou sur le podcast. Puis toi, là-bas, c'était un peu l'arrivée en scène de Den Protector. Est-ce que tu as eu à jouer contre cette carte-là à Toronto ou ben tu l'as pas rencontré vraiment sur ton passage? Parce que ça a été un peu Mais je pense que le gars, mon dernier round, je pense qu'il y en avait dans son deck. OK. Ben, ce serait logique, là. Mais c'est Parce ça, qu'il moi, jouait je des trouve. Deathmiss Raptor, mais. Ça m'a semblé que la carte Den Protector est comme sortie là, en trombe là, dans le Grand Prix Ouais, mais j'ai pas Toronto. joué contre. OK. Puis là, j'ai l'impression que ça va être ça. Puis. Mais c'est une chose, cette carte-là. Ouais, c'est clair que c'est C'est une excellent. très bonne carte. Ouais. Mais ouais. Eternal Witness, qui en plus a une clause qui la rend difficile à bloquer, puis qui est 3-2. C'est Ouais, c'est ça. quasiment absurde, là. Ouais, c'est vraiment. Ça, puis Collected Company, c'est vraiment comme devenu. C'est des cartes qui dormaient un peu. Puis là, ça a été vraiment comme l'éclosion de Collected Company et de Den Protector. Puis pour moi et tout, ça a été un peu. Ce qui m'attriste un peu en ce moment, je te dirais, là. Puis dis-moi peut-être ce que t'en penses. Puis après ça, on ira plus vers le sujet dont je vais te parler. Mais je remarque que c'est bleu. Moi, je suis un peu. J'aime jouer le bleu. C'est ma couleur. Mais à part Esper Dragon, là, puis avoir un petit splash dans Bent, là, bleu en ce moment est un peu le mal-aimé. Puis je trouve que vert est vraiment. domine, puis même presque opprimant là, en ce moment à Magic. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi la réaction de la metagame. Je sais pas si toi, tu as déjà un peu une idée sur ça, de qu'est-ce qui va se faire pour un peu répondre à ce qui est en train de se passer avec Standard. Parce que autant qu'il y a quand même de la diversité, mais autant les decks, on dirait que jouer vert, ça devient presque... les incitatifs sont quasiment trop grands là, avec justement Den Protector. Puis là, tu peux accès à Fleecemane Lion, Siege Rhino, Courser of Truefix. Non? Tu penses pas que ça... Non. Pour toi, ça c'est correct. Okay. Ça demande quand même pas mal de mana. Puis Esper Dragon, s'il joue bien, puis qu'il garde ses Counterspell pour les Den Protector, puis qui gère le reste du bonhomme avec les... Non, c'est... Removal, c'est correct. Ouais. Non, c'est ça. C'est bon, ça tant mieux. Tu me rassures. Les parties quand ils se jouent, doivent se jouer là, sur la patinoire. Là. C'est un peu comme... Ouais. Un peu comme Canadien à soir. Là. Ouais. tu peux perdre, là, mais sur papier, tu ne perds pas nécessairement. Là. Ouais. Puis je suis en train de regarder le Grand Prix de Toronto, justement, le top 8. Puis ça va me faire peut-être une transition vers notre sujet du jour, mais dans le top 8, il y a... La machine standard, Brad Nelson, qui a fait le top 8, il a terminé 3e. Puis il y a aussi Craig Wesco, qui est quand même un joueur respecté. Il y a plein d'autres joueurs aussi, un joueur québécois, Daniel Fournier. Il était Toronto. Oui, c'est ça que je disais, Grand Prix Toronto. Non, Daniel Fournier, il est de Toronto. Ah, il est de Toronto. Ah, pardon, excusez. Oui, c'est un anglophone. Ok, oui, c'est vrai, j'ai vu une entrevue avec. Il y a un nom, j'ai vu son c'est comme... Ouais, c'est ça. Mais comme puis, Nathan Beaulieu, mettons. Ouais, c'est ça. Donc, pardonnez-moi. Pour rester dans thématique. Mon lapsus. Mais ouais, c'est ça. Oui, je me rappelle d'ailleurs, ça, j'avais vu un deck tech avec lui. Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a des joueurs qui, c'est des noms connus. Puis un joueur comme Brad Nelson, qui est en ce moment pas mal perçu comme le meilleur joueur standard. Là. J'ai pas ses statistiques devant moi, mais c'est à peu près ridicule là, quand il fait des grands prix standard. Je pense qu'il a fait le top 8 de 5 de ses 7 derniers Grands Prix standard. C'est une affaire comme ça, là, c'est vraiment ridicule. Puis ça fait dire qu'il y a quand même... Il y a certaines personnes, il y a certains joueurs qui réussissent à vraiment saisir un format, puis à vraiment se démarquer. Puis moi, ma question, c'est un peu selon toi, pas aussi général que qu'est-ce que ça prend pour être bon à Magic, mais... Où est-ce que, selon toi, il y a place à aller chercher justement des pourcentages? Parce que peut-être rappelle-nous un peu les statistiques dont tu me parlais, là, par exemple, entre toi et, disons, un Owen Turtenwald de ce monde, là, en pourcentage de victoires en Grand Prix, par exemple. Partons de là pour aller voir qu'est-ce qu'on peut, peut-être, qu'est-ce que ces joueurs-là ont pour aller chercher les derniers pourcentages? Ben moi, les chiffres que je vois, quand ils sortent des chiffres, des fois au proto, ils sortent des chiffres, là, fait que j'ai pas les chiffres comme tel, parce que la base de données sur Wizards n'est pas accessible. Là. Mm-hmm. Mais si ma mémoire est bonne, là, les chiffres qui manquent, là, des statistiques de joueurs, là, c'est autour de 65% puis 68% de victoires en Grand Prix. Mm-hmm. Dans leur carrière en entier. Ouais, ouais. Puis moi, j'ai regardé mes statistiques avec un site... Ouais, on mettra les points qui compilent l'historique qu'on peut retrouver sur notre compte de Wizards Planeswalker Points. Ouais. Le site s'appelle kavu.ru. Est-ce que vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse là. J'ai sorti mes statistiques, puis avec le dernier Grand Prix là, à Toronto, moi je suis à 59% de victoire en Grand Prix. Puis ben, quelqu'un comme Owen qui est à, je sais pas, 68% ou un peu, des joueurs professionnels qui sont à 67-68%. Ouais. On parle de moins de 10% puis amène de différence. Puis qui amène ce 67-68%-là à chaque fin de semaine de Grand Prix, ou presque, là, ou ouais. Aux deux semaines. Ben là, tu sais, ils ont assez de pourcentage qui fait qu'ils sont capables de se démarquer puis de faire des bons résultats, là, tu sais. Puis est-ce que c'est combiné. C'est sûr que tu peux être chanceux dans un Grand Prix, puis ben, tu sais, finir. Mais pour être constant, il faut avoir un pourcentage de victoire assez élevé, là, autour de 65%, puis se présenter souvent dans des tournois. Ils font beaucoup plus de tournois que moi, Philippe Asselin peut faire. Là. Ils sont dédiés, dans le fond, un peu. Fait que c'était peut-être une des choses que je comprends, c'est peut-être la. L'implication, en anglais ils disent commitment, donc d'être dédié finalement un peu à Magic pour aller chercher ces points de pourcentage-là. Fait que dans le fond, si moi je joue à mes FNM, puis je fais un draft avec mes amis la semaine. Puis, c'est sûr que ce ne sera pas suffisant pour aller rechercher, eux, leur niveau de jeu, parce que ça doit prendre des heures de pratique, puis eux peuvent se le permettre parce que c'est un peu leur travail, finalement. C'est ça là, qui doit faire une grosse différence. Puis je veux rien leur enlever, là, parce que c'est indéniable qu'ils ont le talent, mais ils sont capables de, en plus d'avoir un talent, de rajouter par-dessus ça un nombre de matchs qui rend leur pourcentage de victoire significatif. Ouais, puis en même parce temps, ça fait partie... Parce que pour en coller 12 de fil, tu sais, 13 de fil, puis faire top 8, ouais. Il faut que tu sois un peu chanceux en quelque part pour que ton 65, 68%, 69% là, tombe pile sur cette série-là. Ouais, ouais. Puis, mais en même temps. Ça arrive souvent que ces gars-là font pas jour 2 non plus. Là, ouais, ouais, ouais, tout à fait, c'est ça. Ça leur arrive souvent. C'est juste qu'on le voit puis pas passer. Vie, non, ouais, c'est ça. On les remarque quand ils font. On trouve qu'ils les font souvent, mais c'est parce qu'ils sont souvent dans les tournois aussi. Ouais. Puis tu sais, c'est puis une affaire à laquelle. Ouais, c'est ça, l'affaire à laquelle sur laquelle je voulais être bon puis aller dans beaucoup de tournois, c'est un bon début. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, c'est que c'est peut-être ce bout-là qui est pas facile à faire puis que ces joueurs-là font, c'est le bout de dire ok, là je m'investis. Tu sais, c'est, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça, d'investir du temps puis de dire ok, là moi dans cette période de ma vie là je m'essaye puis je me donne à 100% dans ça puis je fais le choix de m'investir, puis à quelque part, c'est tout à leur honneur parce que c'est pas un choix facile à faire parce qu'on s'entend, même les meilleurs, on dit que c'est des joueurs professionnels, mais c'est des joueurs professionnels 100%, mais c'est pas la profession, disons, la plus payante qui existe. Là. C'est des joueurs qui décident de faire un choix sûrement assez difficile s'ils ont des familles et tout ça, de dire que je vais me dédier à un jeu quand même. Non, c'est pas un choix facile à faire. C'est rare là, qu'ils ont des familles. Ouais, c'est ça. C'est équivalent à peu près du salaire minimum. Là. Ouais, c'est ça. Même les meilleurs, là, avec le. Mettons que tu réussis à gagner un gros tournoi qui rapporte 20 000 $ mettons. Ça reste que bon, mais c'est vraiment fou, tu as gagné 20 000 $ mais il t'en reste un autre 20 000 à ramasser dans ton année si tu veux avoir un mode de vie qui a un petit peu d'allure. Fait que c'est un choix qui, moi, je respecte beaucoup. Donc, en plus, toutes les dépenses qui sont liées à ça. Ouais, ouais, exactement. Même si, par exemple, quand. Mais pour en revenir à notre sujet, tu sais, qu'est-ce qui peut les démarquer? Il y a ça, jouer souvent. Ouais. Ça les démarque. Ouais. Il y a aussi, plus tu rentres de partie, plus il y a des choses qui deviennent des réflexes. Tu sais. Ouais. Sideboarder, des fois tu te poses un peu moins de questions, des choses que tu sais, tu sais, tout. Reconnaître des situations. Faire des raccourcis, essayer de déduire qu'est-ce que ton adversaire peut avoir. Si tu as aucune idée de qu'est-ce qu'il peut avoir dans son deck, c'est sûr que c'est plus difficile de déduire, tandis que si tu connais bien la méta, puis le format. Ouais. Tu peux arriver plus vite à une conclusion puis prendre des décisions qui sont peut-être plus éclairées puis qui reposent sur un raisonnement complet. Plutôt que juste dire « Ah, il pourrait avoir quelque chose pour le rentrer dans complètement autre chose que tu n'avais pas prévu. » Ouais. Ça, ces gars-là ont ce genre de situation-là. Puis le fait qu'ils jouent depuis... Ben, pour plusieurs, là, de fait qu'ils jouent depuis 10-15 ans, je pense que ça les aide parce que, surtout genre limité, je dirais. Là. Okay. Il y a des choses qui reviennent à Magic, là, même s'il y a des nouvelles cartes. Puis qu'il y a, ben, il y a des choses qui reviennent. Puis il y a des archétypes. Puis à un moment donné, t'es capable de faire de l'abstraction, tu sais. Puis ces gars-là ont un niveau d'abstraction du jeu pas le plus élevé que la moyenne, je pense. Puis tu sais, mettons, là, justement, est-ce que si moi je veux m'améliorer, là, disons cette année, mon but, c'est, OK, je veux vraiment me faire une année où je décide de m'améliorer à Magic, toi, tu me conseillerais de commencer par où, mettons, si on prend l'idée que, bon, ben, il y a des joueurs qui sont au haut de la pyramide de Magic, appelons-la comme ça. Si moi, je me sens en bas de la pyramide, puis tranquillement, j'aimerais ça monter Sur quoi tu penses que je devrais investir dans mon temps ou c'est quoi ça? J'ai rencontré Alex Hain il y a deux ans. On était dans un GPT au face-to-face. OK. Puis il était là. Puis avec, il y avait John Stern aussi. OK. Puis j'ai perdu dans le GPT. Puis ben, il nous a invités à Cube Draft okay, ouais. avec lui. Puis le plaisir que ce gars-là avait l'air d'avoir juste à faire un Cube Draft. Mm-hmm. C'était juste incroyable. Je pense qu'avoir du plaisir, c'est déjà un très bon départ. Alex Hain, okay. il a vraiment l'air d'avoir beaucoup de plaisir quand il joue à Magic. Ouais, ok, ouais. Il a l'air d'aimer le jeu. T'sais, ça lui, c'est pas un fardeau, puis il a pas de pression de gagner. Il ouais, va ouais. là pour avoir du plaisir. Ça, c'est une attitude, je pense. Je pense pas que tous les professionnels ont cette attitude-là, mais lui, il l'a, puis je pense que c'est une bonne affaire. C'est oh, une ouais. bonne affaire. Ouais. Parce qu'au moins, si tu perds, ben, tu sors et tu ris. T'sais. Tu dis, ouais, mais au moins, j'ai du fun à jouer ce jeu-là. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Okay. Tu te dis, ben, il y a des gens qui ont pas mal moins de chance que nous là, dans la vie. Là, ouais. Nous, on joue aux cartes. Là. On s'entend ouais. qu'il y a des problèmes pires que ça que de perdre Magic. Ouais, on Même s'entend si sur ça. Le coup, c'est brutal, là, mais ouais. tu peux perdre en demi-finale de conférence. Ouais, ah ouais, je sais, fait là. Ou tu peux être un enfant soldat, tu sais. Ouais, ouais, non, c'est ça, exactement. Non, mais... ouais. On va prendre le second. On s'entend-tu que perdre la Magic, c'est genre vraiment un problème, là. Ouais, c'est bon, ça. OK, fait à s'amuser, ouais, je prends ça. Mais moi, je sais pas, j'ai quelque chose en tête, puis moi, j'aimerais ça être bon en limité, mettons. Parce que je trouve que construit, c'est génial. J'adore jouer standard. Je joue modern aussi. Je joue pas legacy parce que j'ai pas les cartes. Mais je pense que je m'amuserais bien. Mais c'est un peu la redondance qui me tanne un peu à standard, là, de jouer un peu toujours contre les mêmes cartes. Puis c'est un peu l'effet roche-papier-ciseau, puis je sais pas, il y a ça que j'adore ça, là, mais sauf que s'il y avait un format dans lequel moi j'aimerais ça me sentir vraiment plus fort, ce serait en limité, parce que je trouve que ça demande de toujours un peu renouveler ses aptitudes, parce qu'en fait, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus sur juste les aptitudes, puis qu'en construit, il y a une grosse part de connaissance du format. Puis j'aimerais ça peut-être qu'on vienne sur ça. C'est est-ce que tu penses aussi que en limité autant qu'en construit, la connaissance du format est nécessaire pour bien réussir? Puis je me sens bien que la réponse, ça va être peut-être oui, mais si on peut aller dans le détail, genre quelle place ça devrait prendre dans une préparation, tant en limité qu'en construit, connaître le format, puis peut-être qu'est-ce que ça implique de connaître un format? Ben moi, en limité en général, c'est sûr que faire plusieurs drafts, ça aide. Pour compétitionner à un haut niveau, mm-hmm. Essayer de découvrir les archétypes qui sont meilleurs, puis essayer de drafter cet archétype-là s'il est disponible, tu sais. Mm-hmm. Mais en limiter la capacité d'abstraction, justement, multiformat, ouais. c'est quelque chose d'important. Fait que jouer plusieurs formats, découvrir comment les cartes fonctionnent, les archétypes, ça peut aider. Ouais, parce qu'il y a un peu des constantes de format en format que aussi. En standard comme tel, là, ça dépend parce que il y a beaucoup de cartes qui jetaient, il y a beaucoup de cartes qui peuvent changer un match-up du tout au tout. Mm-hmm. Ouais. Il y a des fois comme. Avoir Ashiok, oui ou non, mainboard, mettons, dans Esper, c'est pas le même deck du tout, mettons, là, des petits exemples de même. Non, c'est ça, puis c'est des préparations pour plus des pourcentages de match-up mm-hmm. auxquels tu t'attends dans la metagame. Puis ouais, il y a ouais. comme un paquet de lectures comme ça que tu peux faire, mais. Puis tu te prépares pour un match-up, tandis que tu es dans les drafts, tu t'ajustes à ce que tu vois. Ouais. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup plus de préparation en standard, même si ouais. rentrer des drafts, c'est une bonne chose. Là. Il y a beaucoup plus de préparation en standard que okay. en limité, à mon avis. Okay. C'est sûr que ça aide. Comme il y a des choses de base. Comme Cans of Tarkir, il fallait que tu connaisses tes morphs. Mm-hmm. Parce que ben, sinon, tu pouvais te faire démolir. Puis il y avait un certain nombre de trucs théoriques que tu peux savoir à propos des morphs, comme tu peux pas unmorpher avant 4 mana, ouais. Si t'as unmorphé à 4 mana, Si tu bloques avec une autre morph ou une 2-2, tu sais, tu te fais pas complètement détruire Ouais. si l'autre a juste 4 mana. Si l'autre a 5 mana, là, par exemple, c'est une grosse affaire de différence. Bon, il y a un paquet de petites choses comme ça que tu peux savoir à propos de limiter, mais c'est quand même moins de préparation que je trouve là, que tu Quand peux arriver, construit. puis juste lire les cartes, puis reconnaître, ah oui, ça c'est une créature qui est en bas de en bas de la courbe de mana en termes de coût, tu sais, une 3-3 pour Ouais, c'est 3, ça, il y a une espèce une de... habilité ou quelque Ouais. chose. Bon, tu sens ces choses-là. Ouais. Fait que, il y a des choses que tu peux reconnaître comme ça. C'est pour ça que ces gars-là, en ayant vraiment une connaissance de plusieurs formats de limité, moi j'ai jamais joué Ouais. leur win limité, là. Non, c'est ça. T'sais, Ouais, fait que, exactement. j'ai jamais joué. Un Louis Scott Vargas, là, lui, il en Il a a tout joué fait, des ils ont tout formats. fait ces arcs-là, t'sais, puis ils Ouais. arrivent depuis toujours, là. Fait que, t'sais, Ouais. c'est sûr qu'à un moment donné, tu t'habitues peut-être plus vite aussi à un format, tu dis, ah, ben ce format-là, le taux critique, c'est tour 5, Ouais, tu ou fais là, des ce liens. format-là, le taux critique, c'est tour 3, fait qu'il faut avoir une courbe de mana plus basse. Ouais. Il y a des choses que, t'sais, que tu peux savoir comme ça, mais en général, ça ressemble plus. Puis est-ce que tu penses qu'il y a une recette, mettons, pour devenir un joueur de Magic qui réussit, ou il y a trop de variants, autant dans le talent que dans le jeu, pour qu'il y ait une recette de dire, bon, ben voici, fais ça dans une année, puis c'est sûr qu'à la fin, t'es... Ah non, c'est il y a trop de... Moi, je trouve qu'il y a trop de variance. OK. C'est pas impossible, t'sais, de dire si tu fais ça, tu pourrais. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses pour gagner, t'sais. Ça serait quoi, mettons? Faut que tu sois prêt, faut que tu joues, faut que tu présentes dans les tournois. Ouais, c'est la base, hein, Oui, moi je le fais pas assez. c'est ça. Ne serait-ce que libérer, honnêtement, juste Mais il peut se libérer du passer temps, tellement j'étais comme. d'affaires que. On sait pas, là. Ouais. Il faut vraiment que les as soient alignés, finalement, pour que tu aies du temps, que tu sois prêt à le faire. Que tu as un peu l'argent aussi, parce que ça finit par coûter Oui, cher. mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, Donc, j'avoue qu'il y a ton état plusieurs mental variantes. aussi. Dans tous les cas, là, Guillaume, si tu t'attends. Si tu te dis, ah, si je fais ça, je vais gagner, puis que tu gagnes pas, là, tu vas être encore plus déçu. Ben Toi, ouais. là, tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe, puis là, tu vas te frustrer, puis là. Non, non, non. Moi, il y a des fois que les pires moments de mon Magic compétitif, là, c'est quand je prenais un deck, puis je me dis, ah, ce deck-là, il est bon, je vais gagner, puis que là, je Ouais. gagnais pas, puis là, je râlais de la merde sur le deck, mais c'était moi qui n'avais pas pensé mes affaires, qui avait pas pris le contrôle du deck, qui avait pas réfléchi, qui avait pas pris des décisions de sideboard, qui avait pas. T'sais, Ouais. faut que tu te mettes dans un état d'esprit où tu prends le contrôle de tout ce sur quoi tu peux avoir un contrôle. Puis le reste, tu le laisses à la mère nature. Ouais, c'est ça T'sais, pareil. puis advienne que pourra après, Ouais. là, t'sais, les cartes sont brassées au hasard, puis. Ouais. Ouais, Ouais. Dans ouais. ces situations-là, c'est correct. Puis, bon, je pense que la pire chose à faire pour essayer de gagner, là, ce serait de tricher, là. Bon, et puis, Ça, on en a parlé faut un pas peu, puis... faire ça. Il y en a qui le Ouais. font, il y en a qui veulent, qui sont prêts à tout Incroyable. pour gagner, puis qui se mettent des mains de départ sur le côté. Mais ça finit que tu te fais bannir, puis Ouais. tu n'as plus le respect des autres, puis c'était pas. Non. Ouais, puis c'est... Ça, c'est la Ouais. pire affaire là. Gagner à tout prix, là, c'est pas vraiment un bon plan de match, là. Ouais, C'est un jeu. puis honnêtement, tu vois, c'est pas quelque chose avec lequel je m'attendais de sortir de l'épisode, mais quand t'as fait l'allusion à Alexander Haine qui ça y tentait de drafter son cube, puis qui adorait ça, puis qui tripait à jouer, on dirait que c'est ça, je pense, que moi, je vais retenir pour l'épisode, c'est... Faut comme tu trouves une situation à Magic où tu tripes, finalement. Puis ça peut vraiment être à différents niveaux, là. Ça se peut que ça soit le vendredi soir avec tes amis, puis ça, c'est de même que tu tripes à jouer à Magic. Puis ça se peut que ce soit en enchaînant les FNM, puis en réussissant à aller dans des pré-PTQ, puis peut-être en gagnant un, puis là, tu tripes parce que c'est ça que tu voulais. Puis finalement, c'est peut-être plus ça, tu sais, de trouver les circonstances dans lesquelles tu as du plaisir, que Magic a du sens dans ta vie, puis que ça t'amuse, puis que ça a la bonne place finalement. Puis pour certaines personnes, ça va être de, justement d'aller tellement de pousser ça, puis d'investir du temps, puis de se rendre au plus haut sommet. Ça sera ça qui va aller vraiment les faire les allumer. Puis il y en a pour d'autres que ça pourrait être à vraiment une plus petite échelle, mais c'est peut-être ça le plus important finalement. La recette du succès à Magic, c'est peut-être juste d'avoir du plaisir finalement. Mm-hmm. Ouais, c'est intéressant ça, sérieux, parce que moi, j'ai vraiment comme j'aime beaucoup l'aspect un peu intellectuel de Magic. Là. J'adore regarder les decks qui sont qui réussissent. T'sais. Honnêtement, j'ai passé vraiment plus d'heures à m'intéresser à Magic qu'à jouer, on dirait. T'sais, j'ai joué beaucoup puis je joue quand même pas mal, mais je m'intéresse. Je pense que je passe plus de temps à regarder les meilleurs joueurs jouer, à regarder les listes, à essayer de comprendre les différentes metagames. Puis ça, j'aime ça. C'est une partie de Magic que j'aime, l'analyse, finalement. Puis je me rends compte que c'est peut-être ça, la place que moi, ça a, c'est de ce côté-là, de jouer bien, mais sans plus, d'être un joueur tout à fait raisonnable, mais de connaître le jeu, de connaître les joueurs, de connaître les decks, de connaître un peu les formats. Ça, c'est peut-être la partie que moi, j'aime. Fait que, ouais, ça, c'est pour moi. Puis toi, qu'est-ce qui te fait triper à Magic, Renaud? Qu'est-ce que t'aimes? Sérieusement, là, ouais. Moi j'aime bien la gang de Sherbrooke. Ah ouais, hein, c'est vrai, pareil. Hein. Quand je suis descendu dans un. J'étais allé dans un tournoi à Ottawa, puis eux autres étaient pas là. Pas pareil, là. Ouais, hein. De t'en retrouver avec. Juste là. Avec ouais, du juste... monde aussi. Tu sais, pour entre les. Il y a tellement de délais dans les tournois que entre les rondes. Mm-hmm. Après le tournoi, la route, le souper, il y a tellement de délais comme ça que si t'es pas avec des amis puis que t'as pas de plaisir, c'est long puis c'est plate. Ouais, c'est ça, finalement, ça devient que c'est plate. Fait que toi, finalement, c'est le côté un peu social puis le cercle d'amis que tu t'es créé. Puis, puis est-ce que, même si tu habites loin maintenant, est-ce que, comme là, Grand Prix Toronto, vous étiez une ouais, bonne gang. On s'est arrangé, là. Oui, on s'est arrangé pour descendre ensemble. Puis, ah, c'est cool. Puis tu sais, toi, si ça va moins bien, t'as des bad luck, puis là, l'autre, s'il gagne, tu l'encourages. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Tu peux te tenir, aller chercher de l'eau, des affaires. Ah, oh, ouais. Oh, des affaires, des fois, c'est anodin. L'aider. Là, mais, des fois, tu joues un deck contrôle, puis t'as pas beaucoup de temps entre les rondes, puis là, ben, quelqu'un t'amène des barres. Il reste une minute avant que l'autre ronde commence. Ouais. Il t'amène une barre tendre, puis t'en manges, puis t'es content. Là. Ouais, c'est clair. T'as un soutien, bon, des petites choses comme ça, là. Puis ben, les professionnels aussi, ils ont une gang, puis ils se tiennent. Là, fait que ça les aide. Ah, c'est sûr. Que mais ça, ça je pense que c'est quand même marginal comme. Mais ça peut. Je pense que ça peut avoir un impact sur gagner un round ou pas. Oui, ouais, le fait d'arriver en équipe, puis même si, mettons, que ton équipe n'a pas de nom et qu'il n'y a pas des protecteurs de cartes qui ont ton logo dessus, mais non, ça compte ça, pareil, tu sais. Ça, pas mal, n'importe quelle gang qui arrive va l'avoir, là. Mm-hmm. N'importe quelle gang qui se tient minimalement va l'avoir, là. Ouais. Puis, ça peut faire une différence sur... Sur le gars qui arrive tout seul. Ben ouais, c'est sûr. Cool. Ben écoute, Renaud, je pense qu'on va se faire ça une petite vite à soir. Moi, je trouve que ça a été bien intéressant de faire un petit topo puis de se voir pour cet épisode-là. On s'étire pas trop ça. Puis en parlant de plaisir, je pense que la semaine prochaine, on va avoir un épisode du plaisir. Si tout se place, en tout cas, comme on l'espère, là, ça va être un bel épisode, je pense. Oui. Puis, ben écoute, sur ça, je te dis bye. Allons pleurer en petite boule. Nos séries sont finies. Mais c'est pas grave, Magic est encore là, puis Magic 101 va être là la semaine prochaine. Ouais, c'est le temps de recommencer à jouer à Magic un soir sur deux. Ouais! Parce qu'il y aurait plus on avait juste canadien. Un soir sur deux, là, on peut 100% des soirs. Ok, cool, ben écoute. Salut, jeune homme. Salut, Renaud, puis on se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde, bye.